Et comment on vous montrait, enfin comment vous appreniez? Ah ben, on un nous ouvrier mettait... vous montrait. Voilà. Chez Mougenot, ça se passait comme ça. On arrivait chez Mougenot, il faisait son enquête, le père Mougenot. Hein. Puis c'était sérieux là-dedans, hein. Ça rigolait pas. Hein. Alors, on arrivait là-dedans, quand on était, alors ma foi, on rentrait par exemple après les vacances. Hein. Alors on nous mettait avec un vieil apprenti, pour commencer. Pour commencer, on nous donnait chacun un vieil apprenti. Mmh. Un apprenti qui avait 2 ans ou qui avait 3 ans. Hein. Et il nous montrait le début. Mmh. Puis alors après, quand on faisait des violons comme lui, comme il faut qu'on sortait, qu'on arrivait à bien travailler, alors là, on n'était pas habile. Hein. Il peut vous le dire, lui. Nous, on faisait 2 violons par semaine. Mmh. Tandis que maintenant, quand ils ont fait 1 violon par mois, c'est déjà beau. Hein. il a même déjà fait 3 violons par semaine, mais attention, hein, comme on discutait avec Mougenot une fois, quand on faisait 1 violon par semaine, 2 violons par semaine, c'était des violons, 2 violons dans 56 heures. Voilà, c'était pas 2 violons dans 35 heures. Hein. Bonjour, monsieur. Je vais pour ça, je reviendrai l'après-midi. Hein.